Lettre 87e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, octobre 303. Il est très possible, mon cher ami, que nous nous revoyions bientôt. Je suis sur le point de quitter Nicomédie avec ma femme et mes domestiques, et vraisemblablement pour toujours. Une mort presque subite vient de nous enlever notre bien-aimé père. Son âge avancé, une faiblesse qui s'augmentait chaque jour, nous avait préparé depuis longtemps à ce fatal événement. Mais il ne nous en a pas moins été très douloureux. Quoique l'homme se croit armé contre un malheur qu'il prévoit, il y a cependant une grande différence entre une incertitude toujours mêlée d'espérance et la réalité qu'il a détruite sans retour. Nous étions attachés à lui depuis qu'il nous témoignait l'affection paternelle la plus tendre. Il m'a béni de sa main faible et tremblante, il m'a nommé son cher fils. Voilà le seul point où mon cœur se repose avec tranquillité. Il a même béni d'avance le précieux enfant dont ma Théophanie va me rendre père et qui mettra le comble à notre bonheur. Il a cassé authentiquement le testament par où j'étais déshérité et l'a partagé d'une manière bien partiale pour son fils, entre moi et son neveu le Sippus, son immense fortune. Mon cousin est un homme excellent. Un mariage qu'il avait contracté contre la volonté de mon oncle l'avait privé de sa tendresse et de ses richesses. Cette circonstance, celle d'une famille nombreuse, des malheurs de tout genre qu'il avait essuyés, m'ont fait me réjouir de partager avec un parent que j'aime une fortune qui devient pour lui et pour sa famille une source de bonheur. La noblesse de son caractère s'est montrée dans cette occasion sous un bien beau jour. Il est venu chez moi pour refuser un héritage auquel il assurait n'avoir aucun droit. La seule volonté de mon père aurait suffi pour le lui donner même à mon détriment complet. Et si une renonciation en forme au bien de mon père que j'avais signé n'avait pas été retiré et anéanti par l'amitié de Calpurnie, c'était moi qui n'aurais plus aucun droit à faire valoir. Mon père était bien le maître de disposer de sa fortune. Je dois le remercier également et de m'en avoir rendu une partie et d'avoir fait le bonheur de mon cousin. J'ai en lui à présent un ami dévoué, et n'est-ce pas le plus précieux des biens? Si je retourne en Europe, mon premier soin, cher Phocion, sera de te chercher, toi mon plus ancien ami, si sûr, si sincère, et dont je suis privé depuis si longtemps. Quel que soit le détour qu'il me faudra faire, je veux te voir et te présenter ma Théophanie. Les intérêts de nos frères chrétiens me conduiront par la Dace et Norique, peut-être jusqu'en Bretagne, auprès de César Constance. Les créatures de Galerius conduisent les provinces qu'ils dominent d'après le sens et les ordres de leurs maîtres contre les chrétiens. Constantin a profité de la faveur où il est maintenant auprès de Dioclétien, qui le traite avec beaucoup de distinction, pour en obtenir un édit qui ordonne d'observer des mesures de douceur dans les informations sur les chrétiens et défend sévèrement toute espèce de vexation arbitraire. Cet ordre est principalement pour les provinces où Galerius gouverne. Celles qui sont sous le sceptre du rude Maximien ne sont guère plus heureuses. Ce n'est qu'en Espagne, en Bretagne, où le cœur humain et sensible de Constance protège les malheureux persécutés. Une grande quantité de familles s'expatrie pour se retirer auprès de lui dans cet asile tranquille. Et comme on n'aime pas l'émigration, qui prive à la fois un pays et de ses habitants et des richesses qu'ils emportent, il en résulte des voies de fait, des disputes, des injustices, qui aigrissent toujours plus les esprits et les disposent à une révolte qui n'attend qu'un prétexte plausible pour éclater. Tout est dans une fermentation sourde. Tous les esprits se préparent intérieurement à une guerre sanglante et terrible, les temps de paix sont passés, et le silence qui règne encore n'est qu'une illusion effrayante. Le calme n'existe qu'en apparence. Du moment où Dioclétien, qui dépérit à vue d'œil, aura fermé les yeux, nous verrons se renouveler les mêmes horreurs qui ont eu lieu avant son règne. Tels sont les pressentiments qui remplissent depuis longtemps mon âme, et si je réfléchis sur la marge des événements, je ne vois pas la moindre chose qui puisse me faire croire que je me suis abusé. Mais je doutais d'abord d'un moyen de sauver le genre humain, j'en ai actuellement le consolant espoir, et je vois un sauveur qui me rassure. Phocion, je te le dis, la religion chrétienne doit devenir générale, elle doit avoir un chef qui la relève, la soutienne et la répande. Les anciennes formes doivent être détruites, le siège du gouvernement transféré ailleurs, et le pouvoir des prétoriens, qui, semblable à un volcan, nous menace à chaque instant et cause tous les maux de l'Empire, doit être anéanti. Entre tous les individus qui sont en scène sur le grand théâtre du monde, le seul qui pourrait introduire cet heureux système et opérer tous ces changements est Constantin. C'est visiblement lui que la Providence a choisi à cet effet et qu'elle a orné de toutes les vertus et de toutes les qualités nécessaires pour réussir. Nous nous sommes souvent entretenus de ce plan et des grandes idées qu'il renferme. Déjà, bien des choses sont concertées, arrangées, préparées. Et je pars d'ici avec le cœur plein d'espoir pour me rendre sur les lieux où les événements doivent se passer. L'intérêt d'empêcher que nos frères ne soient tourmentés sur leurs croyances n'est qu'une affaire secondaire qui doit voiler le véritable but de mon voyage et de mes démarches. Il faut réunir les esprits, préparer 1000 choses importantes en secret afin qu'au moment de la catastrophe, qui ne paraît pas très éloignée, Constantin ait entre les mains tous les moyens, des armées, des trésors et surtout des amis, et qui en méritent plus que lui. Il ne faut rien donner au hasard, mais réunir sur un seul point toutes les forces. C'est le seul moyen de réussir et d'affermir le plan sublime que nous avons formé. Phocion, tu n'es pas encore chrétien, et je te livre le secret du bonheur des chrétiens. C'est te dire combien je t'estime et te juge incapable de nous trahir. Tu seras des nôtres une fois, et celui qui fut mon instituteur chéri et révéré sera instruit par moi dans les saintes vérités qu'il est si digne de connaître. C'est un futur chrétien, c'est à mon ami que j'ouvre en entier mon cœur, et je n'ai rien à craindre. Adieu, avant peu je serai dans tes bras.